Les délégués au 7e congrès du Parti du travail de Corée sont arrivés le 2 courant à la capitale Pyongyang. À la gare de Pyongyang, les cadres des organismes du parti et des forces armées, ainsi que les citadins, les ont accueillis chaleureusement.